Pour cette dernière édition du Undead Incorporated Show, réanimation, et je spécifie dernière de 2016, rien de particulier, rien de spécial et probablement rien d'intéressant. Par contre, là, c'est le temps de pleurer et de vous frapper la tête sur les murs, de vous rouler en boule sous la table, de commencer à parler avec des interlocuteurs invisibles, de vous recouvrir de papier d'aluminium pour éviter le repérage des satellites, de ressentir des brûlements d'estomac, d'avoir de violents vomissements et de vous terrer dans le garde-robe jusqu'en janvier prochain. Parce qu'en plus de devoir vous passer de cette extraordinaire et unique émission radiophonique métal jusqu'au 10 janvier prochain, à mon retour, j'aurai toutes les raisons possibles pour vous prodiguer. Non, je veux dire infliger une panoplie de traitements qui sont tous plus louches et non conformes les uns que les autres. Ça veut dire que ça va faire mal. Donc, avant de devenir ces épaves dirigées par la folie, profitez donc de cette dernière édition de réanimation. Et de toute manière, vous devrez prier pour ne pas y survivre. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, c'est ça, enfoiré. Go! Yeah.

Machine, one of the three. Search on demand is a game. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue pour cette dernière édition de réanimation des Undead Incorporated Show en 2016, en ce 13 décembre. Dois-je le répéter, dans des disgrâces 2016, bien sûr. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h pour une dernière fois cette année. N'ayez crainte, je vais revenir. Justement, cette pause publicitaire, nous avons nul besoin de les présenter, du moins je l'espère pour la majorité d'entre vous. Celtic Frost, cette défunte formation suisse, et la pièce Suicidal Winds, tirée de Emperor's Return, qui était le deuxième mini-album EP avant la parution du légendaire To Megatherion de 1985, c'était sur Noise. En fait, je dis deuxième EP, oui, parce que le premier était Morbid Tales. Et avec Morbid Tales et Emperor's Return, qui étaient deux mini-albums de 84 et de 85, il a été ressorti sous le nom d'un album dit complet, portant le nom de Morbid Tales, voilà. Juste avant, nous avions une nouveauté, c'est une nouvelle parution en 2016 qui va faire partie de la rétro Undead au retour de janvier, soit Baphomet's Blood, formation italienne, et la pièce titre de cet album, In Satan We Trust. C'était le quatrième album de la formation, et c'était sous étiquette Iron Bonehead Production. Juste avant, nous avions des Allemands, soit sur le Destruction, Cyanide, qui est une pièce tirée de leur 13e album, Spiritual Genocide, paru en 2012 sur Nuclear Blast. Death Angel, les Californiens, et Father of Lies, il y en avait qu'un, on sait de qui on parle. Tirée de The Evil Divide, qui était le 8e album, et aussi le dernier paru cette année de la formation sous étiquette Nuclear Blast. Et nous avons ouvert avec des vétérans, soit les New Yorkais de Anthrax, et une pièce tirée de leur 6e album, Sound of White Noise, soit C11H17N202 SNA, soit le... j'ai encore un blanc de mémoire, c'est vraiment constant en ce qui me concerne, je me rappelle plus, la... Ça a un terme en chimie là pour dire que c'est la ce qui signifie dans le cas présent sodium pentatol. Voilà. Là, on appelle ça un tableau. Je ne sais pas. Ma blonde le saurait. Si tu m'écoutes, envoie-moi un texto. Dis-moi comment on appelle ça, ce tableau-là. Je me rappelle plus. Anyway. Anthrax, qui ont 35 ans quand même, hein, je veux dire pas d'âge là au niveau des musiciens, mais d'existence. L'album Sound of White Noise est paru en 1993 sous étiquette Electra. Voilà, c'était le premier bloc de cette dernière émission de réanimation. Je le dis bien, dernière de 2016. Il y en a qui vont conclure un petit peu trop vite. Là, c'est pas la dernière avis de réanimation, c'est la dernière de 2016. Cette semaine, ben, il y a la présentation d'une nouveauté qui est en Revel in Flesh, quatrième album pour cette formation danoise. Je dis danoise, mais c'est peut-être allemande finalement. C'est quoi donc? Ben oui, c'est ça, c'était allemande, voilà. Ça, c'est un petit peu plus tard. J'ai aussi une chronique cinéma et série télévision qui est tantôt bonne, tantôt, je dirais, déplorable. Mais bon, c'est comme ça, je vais le dire comme je les ai perçus. Chronique aussi musicale avec certains trucs qui ont été écoutés depuis la dernière émission. Mais tout de suite, allons-y avec un bloc qui est constitué de seulement deux pièces, mais qui tout de même totalise un peu plus de 20 minutes. On va entendre la formation floridienne Acheron et une pièce tirée de leur dernier album par en 2014, Called Death Access, soit Daemonum Lux. Mais tout de suite, allons-y avec, parce que j'ai la suite dans les idées, on va continuer avec Thomas Gabriel Fisher, qui a conclu le bloc avec Celtic Frost, et cette fois-ci avec Trypticon, une pièce tirée de leur dernier album et deuxième aussi, soit Melana Kasmata, qui est paru en 2014, soit l'excellente pièce et assez longue, de 12 minutes 25, Black Snow. Let's go! Thank you. 19h59. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show. Et ce que je cherchais tout à l'heure, qui était ce blanc de mémoire, eh bien, c'est le nom du tableau périodique qui était la pièce Anthrax, le C11H17N2O2SNA, sodium pentatol. Cela fait partie du tableau périodique. Et croyez-le ou non, je l'ai retrouvé seul sans aucune aide. Voilà. Juste avant cette pause publicitaire, on a entendu un bloc composé d'uniquement deux pièces, mais qui tout de même, comme je le disais d'emblée, était plus de 20 minutes. On va entendre la formation floridienne Acheron, formation qui vient de Tampa, et qui dont j'ai extrait la pièce d'ouverture de leur dernière parution, soit le 9e Cult des Ases, qui est paru en 2014, plus précisément le 24 février, sous étiquette Listenable Records. Une formation que j'aime bien, moi, Acheron. Je trouve qu'ils ont des trucs assez intéressants et assez originaux. Une formation qui donne dans un dead black metal dont les sujets principaux sont le satanisme, l'anti-christianisme et les blasphèmes. Et qui sont présentement en pause. En pause, c'est-à-dire que non pas qu'ils reviennent d'une tournée ou qu'ils sont assis sur un banc, non, le groupe est en réflexion, j'imagine. Et juste avant, nous avions la formation suisse Trypticon, qui met en vedette, bien entendu, Thomas Gabriel Fischer, ou si vous préférez, Tom Warrior, l'ex-Tom Warrior de Celtic Frost, et l'excellente et longue Black Snow tirée de leur dernier album paru en 2014, soit Melana Kasmata, qui est paru sous étiquette Century Media. Et là, je suis forcé de dire, comment, Tom, là, on s'en va en 2017, il serait peut-être temps que tu nous amènes quelque chose d'autre. Bon, je rêve toujours d'un jour d'une reformation Celtic Frost. Je pense que je vais rêver en vain parce que, évidemment, il l'a fait. Ça n'a pas vraiment bien marché, mais c'était pas vraiment du Celtic Frost comme on le connaissait. C'était vraiment une préparation à, justement, Trypticon. Trypticon, qui est une excellente formation dans le genre. Par contre, ça, c'est une évidence même. Je vous entretiens musicalement parlant, non pas au niveau de ce que je vais diffuser, mais bien de ce que j'ai écouté depuis la dernière émission. Je vous parle d'une forme... Je vais y aller avec ce que j'ai le moins aimé. Ce que j'ai vraiment le moins aimé, d'accord, ça va être ça simplement. C'est un album que j'attendais depuis un certain nombre d'années. Je parle de la nouvelle parution de la formation finlandaise The Shape of Despair, qui donne dans un atmospheric funeral doom metal. L'album étant Alone in the Mist, paru sur Season of Mist. Ouh, hein, il y a de la suite dans les idées ici aussi. Qui est disponible en CD et en vinyle. Et je vais vous lire, passablement textuellement, quelle est la chronique que j'ai mis en ligne sur le site de réanimation AD.com, et je débute par incroyable avec un grand point d'exclamation. Cet album est d'un ennui, je dirais, oui, très mortel. Les six pièces qui ont une moyenne de 8 minutes, parce que c'est connu, Shape of Despair font pas des pièces de 2 minutes, c'est généralement des pièces qui sont entre 6 et parfois voire presque 20 minutes. Donc les six pièces qui ont une moyenne de 8 minutes donnent l'impression d'être toujours la même qui tourne en rond, d'une monotonie endormante et pratiquement sans vocale, et c'est effectivement le cas. Et guitare très peu apparente, ce nouvel album de Shape of Despair est, selon mes critères et goûts, un échec total. Et je le dis ouvertement. Et moi qui croyais que d'avoir attendu si longtemps après une nouvelle parution au studio original de Shape of Despair aurait valu le coup, eh bien non. Je suis vraiment déçu. C'est un album que j'ai trouvé très mauvais. Ce n'est que... J'ai rien contre la musique ambiante, mais quand on parle d'un album qui a six pièces qui durent pour plus d'une heure et qu'on a l'impression qu'on écoute une seule et unique pièce qui est répétitive constamment, je trouve ça frustrant. Et doublement quand on sait qu'il y a six plages et que c'est constamment la même chose, les mêmes accords qui reviennent, la même mélodie, si on veut. Non, moi, décidément, là, Shape of Despair, vous avez pris une méchante débarque avec moi, avec cet album Alone in the Mist. Et je vais continuer à dire que j'ai aimé certains trucs que vous avez fait par le passé, mais que si vous continuez sur cette lignée-là, moi, c'est terminé. Autre truc que j'ai plus ou moins aimé, en fait, que j'ai trouvé un peu boboche, voilà. C'est une formation suédoise qui porte le nom de Mordant, qui donne dans un Black Death Metal. L'album s'appelle Demonic Satanic Premaster, qui est disponible uniquement en digital sur To The Death Records, que je ne connais pas. Belle pochette, belle présentation, je dois le dire, par contre, mais c'est la seule truc qui est intéressant parce que c'est une formation qui existe depuis 20 ans et ce n'est que leur troisième album. Bon, déjà en partant, ça peut donner un bon indice que ça pourrait être risqué. Mais je comprends pourquoi trois albums. Mordant, c'est une formation qui donne dans un genre qui est plus ou moins défini, récent des influences black, oui, effectivement, des influences trash et légèrement death metal. Mais toutes ces influences sont très mal exploitées et très mal dosées aussi, qui donnent une mixture très peu attirante, selon moi, au niveau de l'oreille. Et le groupe a une sonorité qui est très amateur et une production qui est vraiment pas très bonne. Je comprends pas du tout. Je ne comprends pas. C'est vraiment... on met le drame très, très en avant, qui enterre à peu près le reste, qui est très mal balancé. Les guitares deviennent très secondaires. Et je dis les guitares parce qu'il y en a deux, mais dans les faits, elles sonnent comme une seule guitare, tellement c'est vraiment mal balancé. Donc, c'est très peu efficace. J'ai trouvé ça très peu bon. Et surtout, je mets l'accent sur très peu professionnel. Par contre, il y a eu des très bonnes choses et je vais tenter de vous en introduire une pièce tout à l'heure. J'avais dit la semaine dernière que je devrais probablement introduire une pièce de Shape of Despair. Non. Ça aurait été ici probablement une punition. Je parle d'une formation américaine qui porte le nom de Settlord, qui donne dans un death thrash metal. L'album s'appelle Toxic Minds. C'est leur premier album. C'est une jeune formation. C'est sorti sous forme indépendante. C'est disponible en digital également. Et Settlord, c'est quelque chose à découvrir, je dois le dire. C'est assez intéressant. On y retrouve quelques petites influences, je dirais, faut bien écouter, qui sont plus heavy metal traditionnel, mais en même temps, évidemment, on y retrouve du trash, on y retrouve des influences de death. Je suis pas prêt à dire que c'est un band qui est catégorisé dans le death metal, mais il y a aussi quelques influences par moment, un petit peu plus industriel, mais vraiment pas là ce qu'on peut s'attendre de la musique industrielle. C'est simplement effleuré. Ça donne quelque chose d'original. Des pièces qui sont souvent plus pesantes, des fois des pièces qui sont plus entraînantes. Une pochette qui m'a accroché, oui, parce qu'elle fait très vintage, des années, je dirais, fin 80, début 90, monochrome, qui pourrait à la rigueur avoir une petite inspiration Voivode, je dirais à la rigueur. Mais bref, Settlord, je vais essayer de vous en passer une pièce tout à l'heure parce que je vous le recommande, c'est Toxic Minds, c'est un premier bon album pour cette formation américaine. Et la présentation de la semaine s'adresse aux Allemands de Revel in Flesh. Et la pièce, qu'est-ce que je raconte là, moi? L'album qui porte le nom de Emissary of Plagues. Et on parle ici de leur quatrième album, une formation je vais vous épargner la région de l'Allemagne d'où ils viennent parce que je risque de complètement m'enfarger dans ce paquet de syllabes côte à côte. Formation qui est de calibre. De genre death metal qui a des concepts qui tournent autour de la guerre, de la mort et de la violence, rien d'original jusque-là. Mais par contre, ce que je dois dire, c'est que j'ai été très surpris de découvrir Revel in Flesh. Et moi, je me disais, pour la Retro Undead, qu'est-ce que je vais passer, là? Je commence à me dire, là, l'année achève, puis il n'y a pas eu tant de choses que ça qui m'ont marqué pour être capable de couvrir au moins plus qu'une émission. Ben, je commence à avoir un avis qui est différent, surtout avec des formations comme Revel in Flesh qui, je dois dire, ça fait le travail. Je vous propose trois pièces qui sont situées de ce nouvel album, Emissary of All Plagues, qui est paru sur l'étiquette Cyclone Empire. On va entendre dans l'ordre d'ouverture de l'album qui est la pièce titre, Mystery of Plagues. On va poursuivre avec la 7e pièce, Lord of Flesh, et on va conclure avec la 8e qui s'appelle Sepulchral Passage. Voici Rebel in Flesh. Let's go! Yeah. Il est 20h23 et il neige. Bon, rien de nouveau là-dedans. Pas mal rendu à l'hiver. On vient d'entendre la formation Rebel Flesh, formation allemande qui vient de quelque part par là. Trois pièces tirées de leur quatrième album, Emissary of All Plagues, qui est paru il y a très peu de temps, je vais vous dire exactement quand, soit le 2 décembre dernier, sous étiquette Cyclone Empire. On vient d'entendre les pièces respectivement Sepulchral Passage, qui est la huitième pièce de cet album, Lord of Flesh, la septième, en ouverture de bloc, la première qui ouvre cet album, soit Emissary of All Plagues, enfin, je veux dire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était dans le genre death metal très très efficace. Bon, ça ne réinvente pas la roue, ça non plus, mais qui peut se garder de le faire aujourd'hui? Donc, assurément, ils feront partie de la Retro Undead 2016 au retour de l'émission, du mien, bien sûr, soit le 10 janvier prochain. Pardon, je vous parle, j'ai le temps de vous glisser de cette fameuse formation floridienne, soit Sith Lord, et de leur première apparition, Toxic Minds, formation qui donne dans un death trash, et plus, je dois le dire, par moment, peut-être pas dans la pièce que je vais vous présenter, mais c'est paru le 11 décembre dernier, de façon indépendante et en version digitale uniquement. C'est un album que j'ai découvert le week-end dernier, oui, effectivement, et qui m'a vraiment beaucoup inspiré, je dois dire. Ici non plus, on réinvente pas la roue, mais pourquoi réinventer quelque chose qui existe déjà alors qu'on ne peut que l'enjoliver? Voilà, enjoliveur de roue. Ah, quel jeu de mots! J'en reviens tout simplement pas, mais vraiment, mais quel excellent jeu de mots, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement. Moi, toi aussi, tu trouves ça. On dirait que Horace a des goûts raffinés quand il s'agit de mes blagues. Hein. Ou il les comprend pas, je sais pas. Donc, Sith Lord, je vous propose tout de suite à l'instant une pièce qui porte le nom de Die for Nothing. This is Sith Lord. Let's go. No! Une pièce tirée de ce premier album des Floridiens de Seth Ward. C'était vraiment excellent, je dois le dire. J'ai beaucoup, beaucoup accroché sur cet album. C'est Die for Nothing. C'est la quatrième pièce de cet album. Et comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve certaines influences parfois qui sont différentes, mais qui sont très homogènes entre elles. C'est un bon album qui dure quand même 47 minutes. Donc, on en a pour notre argent. Et je pense que cette formation, si elle conserve son identité actuelle, devra avoir un certain succès, voire bon succès dans le futur. Donc, Toxic Minds, premier album de la formation Seth Ward. On va aller faire un petit tour du côté cinéma et séries télévision parce que j'ai quelques haut le cœur à certains niveaux et au niveau de certaines productions, devrais-je dire. Je vous rappelle que ce vendredi, pour les amateurs de Star Wars, je dis ça, je suis un amateur de Star Wars. Est-ce que Rogue One Star Wars Story sera à la hauteur des amateurs de Star Wars? C'est à voir parce qu'il sera en salle ce vendredi. J'ai bel et bien terminé la sixième saison d'American Horror Story qui porte le nom de Roanoke, qui met en vedette Katie Bates, Sarah Paulson et Cuba Gooding Jr. pour ne nommer que ceux-ci, qui est toujours une série des créateurs Brad Falchuk et Ryan Murphy. Eh bien, je vais résumer ça assez short and sweet. C'est 10 épisodes de cette sixième saison d'American Horror Story. Les 5 premiers sont vraiment excellents et ont réussi à réinventer la formule de cette série qui s'adresse toujours à un sujet particulier de saison en saison. Et malheureusement, on a voulu faire une suite aux 5 premiers épisodes qui aurait pu être en soi la série en entier. On a voulu en faire un 6e, un 7e, un 8e, un 9e, un 10e et c'était vraiment, mais vraiment de mauvais goût. Murphy et Falchuk ont complètement échappé leur production. C'était du n'importe quoi, du remplissage qui avait absolument aucun rapport avec l'intrigue, entre guillemets, initiale. J'ai été excessivement déçu de cette deuxième moitié de saison, suffisamment pour vouloir l'oublier et possiblement même garder une certaine appréhension pour la septième saison de 2017 qui est annoncée. Quoique, on parle de ramener Jessica Lange, et ça, à ce niveau-là, ça serait, selon moi, un grand plus et un retour vers une valeur plus sûre que de revoir Jessica Lange dans l'alignement des acteurs qui se succèdent de saison, pas ceux qui se succèdent, mais qui succèdent des saisons en saison. American Horror Story, c'est possible que ça plaise à certains. Ben, moi, je vais vous le dire tout de suite, c'est parce que vous n'avez pas de goût, parce que c'est vraiment mauvais à partir du sixième épisode. C'est mauvais, c'est n'importe quoi, et ça me fait dire, on sait pas trop comment qu'on va conclure ça, fait qu'on va improviser au fur et à mesure. Désolé, mais non, ça marche pas avec moi. Par contre, un film que j'ai visionné et qui est un autre remake, cette fois-ci encore d'un classique de 1960, un western qui est Les Sept Mercenaires. Présentement, on semble avec Ben-Hur, entre autres, vouloir s'attaquer à des classiques du cinéma qui sont, comme dans le cas de Ben-Hur, très grand fresque cinématographique, grand chef-d'œuvre aussi, grand déploiement. Sept Mercenaires est aussi une icône des films western des années 60. Et ici, c'est un film de Antoine Foucault. Et c'est pas un nom qu'on doit oublier parce qu'il fait des trucs intéressants. Et ici, il a mis en scène quand même pas des nouveaux venus. On parle de Denzel Washington, de l'excellent Ethan Hawke, de Chris Pratt, entre autres, pour remanier cette version des Sept Mercenaires qui est, selon moi, probablement pas... comment je pourrais dire ça? Qui rend probablement totalement justice. Excuse-moi, Horace, là. Tu peux bien rire, mais t'as raison. Qui qui rend peut-être pas totalement justice à l'original, mais par contre, c'est un excellent western, je dois le dire. C'est un bon film d'action western. C'est vraiment cool. Il y a une belle mise en scène, un excellent jeu au niveau des acteurs, de l'interprétation. Moi, j'ai beaucoup aimé Les Sept Mercenaires, donc je vous le recommande. Et autre truc que je suis pratiquement en train de terminer, tant qu'être dans le western, non, ce n'est pas une discographie de Lévi Boulian, mais pas du tout. Je parle plutôt de la série télévisée Westworld, fortement, et oui, je dirais fortement, oui, inspirée, bien entendu, du roman de Michael Crichton de 1973 et aussi du film de la même année qui mettait en vedette Yul Brynner, une série à connotation science-fiction et western, bien sûr, et qui est de Jonathan Nolan et de Lisa Joy, c'est pas facile aujourd'hui, et qui est produite par J.J. Abrams. Et laissez-moi vous dire que je ne pourrai pas vous en parler la semaine prochaine puisque je n'y serai pas, mais que c'est vraiment une très bonne série. Mais ce qu'il faut savoir avec Westworld, c'est une série à progression lente. Ne vous attendez pas à voir quelque chose qui bouge énormément. Ce n'est pas le cas. C'est lent, c'est assez psychologique, mais c'est très, très, très, très, très finement apporté. C'est très intelligent comme série et c'est, je dirais, très agréablement interprété. Donc, je vais peut-être même me taper les derniers épisodes ce soir avant de faire quelques expérimentations machiavéliques. C'est à suivre. Mais quoi qu'il en soit, je le vous recommande énormément. On va aller faire un petit tour côté musicalement, cette fois-ci avec formation polonaise qui porte le nom de Vader. On va entendre aussi les Anglais de Valenfire, Vomitory de Suède et effectivement une autre formation qui fera à coup sûr partie de ma rétro Undead 2016 et de mon choix top 10. Il s'agit des Danois de Prevail. Let's go! blood. Lady Death gave a kiss for goodnight. No pain, no light anymore. Take it to start tonight. Just die tonight. Forbidden.

20h53 et l'émission tire réellement sa fin. Oui, voilà, ça s'achève. Formation danoise Prevail et l'excellente pièce Betrayer qu'on retrouve sur leur premier album War Will Reign qui est paru le 17 octobre dernier de façon indépendante. Et je leur souhaite vraiment d'être signé parce que ils auront besoin d'avoir une distribution à la hauteur de la qualité de cet album. Juste avant, nous avions une formation suédoise Vomitory qui est défunte et la pièce Forever Damned tirée de Opus Mortis 8. Leur huitième et dernier album paru en 2011 sur Metal Blade. Valenfire, formation britannique, et la pièce Scabs, tirée de Splinters. Leur deuxième album qui est paru en 2014 sur Century Media. C'est un groupe qui vaut la peine de découvrir, Valenfire. J'avais connu à l'époque grâce à mon ancien assistant Sinistros. Pauvre gobelin puant. On a ouvert avec Vader, la formation polonaise, et Come and See My Sacrifice, qui est tiré de leur 10e album paru en 2011, soit Welcome to the Morbid Reich, sous étiquette Nuclear Blast. Je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, ce sera pour Rock Classic aussi, la dernière émission de 2016, puisqu'Alain vous présentera la troisième et dernière partie de la rétrospective de cette année. Entre autres, il vous présentera des nouveautés telles les formations des Rolling Stones, Pretty Reckless, Airborne, Vandegraaff Generator, Gong, Pink Floyd, Kansas, Led Zeppelin, Neil Young, Red Fang, Flesh God Apocalypse, Lamb of God, Aggression, The Agonist. Et il vous présentera aussi face complète d'un album vinyle classique qui est paru il y aura exactement 45 ans ce vendredi. 16 décembre, soit Hunky Dory de David Bowie, ainsi que dans la chronique des groupes obscurs, Alain vous présentera le groupe danois de Rainbow Band qui a fait carrière au début des années 70. Une émission à ne pas manquer pour les vrais amateurs de vrai rock, puisque c'est la dernière de 2016. Rock Classic sera de retour le vendredi 13 janvier. Je devrais y être aussi. Et aussi, je vous invite à continuer à écouter les émissions de notre ami DJ Tower of Death et sa subversive émission, Subversion, les vendredis de 18h30 sur les ondes d'Underground Québec et en rediffusion sur les podcasts de SoundCloud. Et je vous parlais de mon ancien assistant Sinistros. Eh bien, je vous invite à aller voir aussi son blog, hurlemort.com, pour voir ses commentaires, ses appréciations de toutes sortes de choses, tous plus ridicules les unes que les autres. Les gens de matière noire s'en viennent, sont d'ailleurs à la porte, si je ne m'abuse. Oui, le temps de vous laisser sur une dernière pièce de Six Feet Under, formation américaine, pièce tirée de leur 9e album de 2013, soit Zombie Blood Cursed, l'album étant Homeborn. Et moi, je vous dis, ben là, allez vous faire foutre plein de fois, parce que je ne serai pas de retour avant le mardi 10 janvier 2017. C'est pas si loin que ça. D'ici là, allez tous vous faire foutre, effectivement, et see you. Let's go! Oh. Be strong.